Savez-vous, madame, comment le sieur Hulot et moi nous nous sommes connus ? Chez nos maîtresses, madame. Oh, monsieur ! Chez nos maîtresses, madame, répéta Crevel d'un ton mélodramatique et en rompant sa position pour faire un geste de la main droite. Eh bien, après, monsieur, dit tranquillement la baronne, au grand ébahissement de Crevel. Les séducteurs à petits motifs ne comprennent jamais les grandes âmes. Moi, veuf depuis 5 ans, reprit Crevel en parlant comme un homme qui va raconter une histoire, ne voulant pas me remarier, dans l'intérêt de ma fille que j'idolâtre, ne voulant pas non plus avoir d'acquaintance chez moi, quoique j'eusse une très jolie dame de comptoir, j'ai mis, comme on dit, dans ses meubles une petite ouvrière de 15 ans, d'une beauté miraculeuse, et de qui, je l'avoue, je devins amoureux à en perdre la tête. Aussi, madame, ai-je prié ma propre tante, que j'ai fait venir de mon pays, la sœur de ma mère, de vivre avec cette charmante créature et de la surveiller pour qu'elle restât aussi sage que possible dans cette situation, comment dire, choc-nosso, non, illicite. La petite, dont la vocation pour la musique était visible, a eu des maîtres, elle a reçu de l'éducation, il fallait bien l'occuper. Et d'ailleurs, je voulais être à la fois son père, son bienfaiteur, et lâchons le mot, son amant, faire d'une pierre 2 coups, une bonne action et une bonne amie. J'ai été heureux 5 ans. La petite a l'une de ces voix qui sont la fortune d'un théâtre, et je ne peux la qualifier autrement qu'en disant que c'est Dupré en jupon. Elle m'a coûté 2 000 francs par an, uniquement pour lui donner son talent de cantatrice. Elle m'a rendu fou de la musique. J'ai eu pour elle et pour ma fille une loge aux Italiens. J'y allais alternativement un jour avec Célestine, un jour avec Josépha. Comment, cette illustre cantatrice ? Oui, madame, reprit Crevel avec orgueil, cette fameuse Josépha me doit tout.